C'est pas fini, non? Salut-vous, on commence. La sœur avait rentré, elle rentre dans sa Bible, elle dit que c'est terminé. Des questions? Oui, frère. Oui. Dans Galates chapitre 4, verset 6. Galates chapitre 4, verset 6, oui. Oui. Parce que vous êtes fils. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé sur vous l'Esprit, non pas le Saint-Esprit, l'Esprit de son fils. Faites attention. Parce que l'appellation, l'Esprit de son fils, a un sens. Il n'a pas dit le Saint-Esprit. D'accord? Donc, quand la Bible dit quelque chose, dit tel que c'est dit, parce que ce n'est pas. Il n'a pas dit de blaguer. D'accord? Il n'a pas dit de bégayer. Il n'a pas dit parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé sur vous l'Esprit Saint. Ou bien Saint-Esprit. Non. Il a dit l'Esprit de son fils. Ça a une explication. D'accord? Oui, pose la question maintenant. Ok. Bon, il a dit c'est parce que vous êtes fils. Donc, les fils, l'Esprit de son. Christ vient sur les fils. Vient sur les fils. Oui. Bon, dans ce cas-là, quelle est la différence oui. entre l'Église et l'épouse? Bonne question. Vous voulez qu'on examine ça? Mm-hmm. Donc, ce sont mes questions que tu veux me poser encore comme ça. Tu prends les raccourcis dans Galates. Tu sors comme ça et puis tu veux me poser ma question que je pose. Ou tu es trop fort? Alors, avant de continuer, je vais parler du pays encore une fois de plus. Pas pour donner certaines directives. Nous allons prier. Mais notez Sophonie au chapitre 3. Sophonie chapitre 3. Pendant que vous êtes en train de noter, à partir du 15 août, c'est du côté du Sénégal, on sera du côté du Sénégal. Donc on va aller au Sénégal peut-être jusqu'au début de septembre. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc on sera du côté du Sénégal à notre retour. À notre retour, peut-être deux jours après, on va voyager pour le Sénégal. Toujours pour cette œuvre aussi. Priez également pour ceux du Sénégal. D'accord? Pour toutes ces personnes-là qui sont quoi, à Saint-Louis, Dakar, Ziguinchor et tout cela. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de suivre, regarder dans un endroit. Vous savez, il y a ces choses que vous appelez comptoir colonial. Je ne sais pas si vous entendez comptoir colonial. Vous avez entendu parler de cela oui. Comptoir colonial. Voilà, que pas tant qu'on fait c'est eux qui nous embrouillent avec l'école. Des choses arrivent et arriveront dans des pays. Les gens ne savent pas où est la source. C'est-à-dire, quand quelque chose arrive, on voit la manifestation. On voit des choses arriver, mais on ne connaît pas quelle est la source. Je parle du cas du Sénégal, par exemple, avant qu'on revienne pour le Cameroun. Vous savez, il y a ces choses-là. Je crois que c'est dans l'une de ces rives où il y avait beaucoup plus de comptoirs de ces choses de l'esclavage. J'ai entendu des cris là-bas, dans cette zone-là. Des cris. Vous entendez cela, n'est-ce pas? Bon, vous pouvez visiter ça comme des choses archéologiques ou bien des sites historiques. C'est ce que les gens peuvent faire. Ils peuvent venir maintenant visiter comme le site touristique. Mais il y a des âmes et des voix qui crient là-bas. Des âmes et des voix qui crient. Ça, c'est au Sénégal. Donc, ça, c'est au Sénégal. Donc, nous allons aller au Sénégal à partir du 15 août. 15 août, peut-être jusqu'à début de septembre, ou bien milieu septembre, on sera dehors. Je crois que pour le Sénégal, vous pouvez contacter la SECA si on est dehors, vous pouvez contacter s'il le faut. Alors, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai donné tout le programme maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez noté Sophonie, le livre des prophètes Sophonie. Pour le pays, tout est dit. Maintenant, tout est dit, tout est clair. N'est-ce pas? Vous savez ce qui arrive, ce qui va arriver. Éternel, ta grâce seul nous suffit pour changer nos vies. Viens rétablir ce pays. Viens rétablir ce pays.